Les Robinsons de la Guyane par Louis Bousnard. Troisième partie, les mystères de la forêt vierge. Chapitre 1er. Le doux chant du tocro se fit entendre au loin, sous la feuillée, comme un roucoulement de tourterelles. Déjà, les premiers rayons du soleil s'échevelaient sur les plus hautes cimes de la forêt vierge, pendant que les troncs droits et lisses, ainsi que des piliers gothiques, s'enfonçaient encore dans l'ombre épaisse imperceptiblement teintée de violet. Les feuilles immobiles semblaient flamboyer sous un ruissellement d'incendie gagnant de proche en proche. La nuance pourprée s'abaissa rapidement à mesure que l'astre monta. Les branches moyennes rougeoyèrent à leur tour. Pendant 2 minutes, la lumière crue, fulgurante, venant d'en haut, flotta en quelque sorte comme un nuage de clarté sur la couche de ténèbres devenue tout à coup plus sombre. Il y eut un antagonisme de quelques instants, puis la nuit fut vaincue. L'atmosphère que nulle brise ne rafraîchissait était lourde, suffocante. Elle allait être sous peu transformée en fournaise. Ce lever du soleil n'avait pas duré un quart d'heure. La pudique aurore, éloignée pour toujours des régions équatoriales, ne l'avait pas annoncée par son aimable rougeur. Le frais zéphyr, auquel cet antre de cyclope est inconnu aussi, n'avait pas agité ses végétaux calcinés. L'astre avait éclaté dans la nuit comme un bolide chauffé à blanc. Un appel de trompe, sourd et prolongé comme le beuglement d'un taureau inquiet, retentit dans la clairière. Le placeur s'éveilla. Chaque matin, ce signal était accompagné de cris joyeux. Des rires, des éclats de voix, des refrains plus bruyants qu'harmonieux sortaient des cases, disposées en un vaste carré, dont les côtés entouraient une esplanade hérissée encore de nombreux chicots. C'était l'heure du boujaron, c'est-à-dire de la distribution quotidienne d'une solide ration de tafia destinée à chasser les miasmes engendrés par les brouillards de la nuit. Les travailleurs, noirs, coolies hindous et chinois, sortaient du quartier spécialement affecté aux individus de même origine afin d'éviter les antagonismes pouvant résulter des différences d'habitude, de race ou de croyance. Le nègre, jovial, s'avançait d'ordinaire, en riant largement, roulant ses gros yeux de porcelaine et esquissant un pas chorégraphique inspiré par la terpsichore équatoriale la plus fantaisiste de toutes. L'hindou, rigide comme un homme de bronze, modelé à faire damner un statuaire, non moins impassible qu'un bouddha de métal, mais ivrogne à rendre des points à Bacchus et Alexandre, les conquérants de son pays, assiégeait déjà la porte du magasin. Enfin, le chinois, ce juif de l'extrême-orient auquel les besoins matériels semblent inconnus et qui vit dans le seul espoir d'amasser, s'en allait, dolant, la queue de cheveux relevée en chignon, en glissant sa face camarde et plissée de magot à travers les torses de bronze ou d'ébène. Master John Chinaman, comme disent les Anglais, tenant du bout de ses doigts crochus son couille, ne paraissait pas pressé d'approcher, et pour cause. Le rusé compère attendait que ses compagnons eussent avalé d'un trait la ration versée par le magasinier. Il avançait alors, recevait son boujaron et se retirait lentement, suivi d'un long regard de convoitise lancé par tous ses assoiffés, mais c'en était trop. La vue du liquide brûlait les yeux avant de flamber les estomacs. John Chinaman n'avait pas le temps de rentrer à sa case. Les ivrognes s'approchaient et proposaient l'achat du boujaron. John discutait de sa voix au timbre de cloche fêlée le montant de la transaction, faisait monter l'enchère et l'heureux acquéreur payait d'avance. John empocha alors les sous marqués et livrait le tafia qui descendait dans le cratère sans fond. Ce matin-là, au contraire, les abords du magasin offraient un aspect inaccoutumé. L'établissement était silencieux, les buveurs, chose rare et incompréhensible, ne quittaient leur case que lentement et à regret. Le magasinier dut lancer un second appel. De mémoire de chercheur d'or, pareil phénomène ne s'était présenté. On n'avait, à plus forte raison, jamais rien vu de semblable sur le placeur réussite existant depuis 2 mois à peine. Ils se présentèrent avec l'allure gauche de gens inhabiles à dissimuler et obéissant à un mystérieux mot d'ordre. Tous d'ailleurs, sauf les Chinois sceptiques et plus indifférents encore, paraissaient en proie à une sombre inquiétude. Les bons mots et les lazzi du magasinier, un gros nègre du bourg de Mana, à la figure joviale et futée, faisaient à tout coup long feu. Et pourtant, le joyeux compère qui occupait ce poste de confiance possédait une verve intarissable. Il savait lire, écrire et compter fort convenablement et n'était pas peu fier de son érudition. On l'appelait Marius comme un simple Marseillais et plus communément le bachelier de Mana. Les mineurs absorbèrent la goutte de tafia et reçurent leurs vivres de la journée. 750 grammes de couac, 250 grammes de bacalhau, de la morue séchée, et 30 grammes de sindou. Puis ils rentrèrent dans leur case plus silencieux, plus morne que jamais. Le directeur du placer, intrigué de ce silence inusité, sortit de sa case formant le quatrième côté du carré réservé aux ouvriers et s'accouda nonchalamment à un poteau de moutouchi soutenant la véranda. C'était un homme de haute taille, d'une trentaine d'années, maigre mais bien musclé. Ses yeux gris trouaient de deux lueurs d'acier sa figure pâle, encadrée d'une fine barbe d'un blond roux comme ses cheveux. Il était coiffé du chapeau gris à large bord des chercheurs d'or guyanais, vêtu d'une chemise de colonnade rayée, d'une mauresque de même étoffe, sur laquelle s'enroulait une ceinture de flanelle rouge. C'était un créole blanc de l'île Saint-Thomas, mais d'origine française. Il s'appelait Duvallon. Quiconque n'eût pas été familiarisé avec les habitudes des travailleurs coloniaux n'eût rien remarqué d'insolite à leur conduite. Mais ce calme inusité, qui ne laissait pourtant percer nul symptôme d'insubordination, causait une secrète inquiétude au jeune directeur. Depuis quelques jours déjà, la production de l'or baissait, les hommes ne travaillaient plus qu'avec répugnance et des bruits mystérieux circulaient parmi eux. Ces traits énergiques ne manifestèrent cependant nulle trace de préoccupation. Il conserva sa posture pleine de cette indolence créole qui sert souvent à marquer de terribles accès de fureur. Il attendit patiemment que les Noirs sortissent pour se rendre au chantier. 10 minutes se passèrent, puis un quart d'heure. L'établissement demeura silencieux. Le blanc ne s'y trompa aucunement. Les ouvriers refusaient le travail. Il s'arma d'un sabre d'abattis, appela son premier commis, un juif hollandais de Paramaribo, et tira de sa trompe quelques notes éclatantes modulées sur un certain rythme. C'était l'appel des chefs de chantier. Rien ne bougea. Un flot de sang empourpra la figure du créole, qui devint presque aussitôt d'une pâleur livide. Il descendit lentement vers les cases, s'arrêta devant la première et appela d'une voix brève. « Manlius ?» Un noir sortit clopinant et gênant. « Que ça oulait moucher, que voulez-vous ? Eh bien, on ne travaille donc pas. « Mon pas pouvait, moucher mon malade. C'est bien, reste ici. » Il fit quelques pas encore et appela. « Jarnac !» Un grand nègre apparut, frottant à tour de bras le canon rouillé d'un fusil à deux coups. « Présent !» répondit-il brièvement. « Laisse ton fusil et réponds-moi. Oui, moucher. Pourquoi ne vas-tu pas au chantier ?»« Ce sont les autres qui ne veulent pas y aller, » répondit-il en créole. « Bon, attends-moi près de Manlius. » Il appela successivement, passant devant les cases. « Nestor, Zéphirin, Eristal. » Jacob sortait et répondait à l'appel de son nom. Duvallon s'arrêta devant le quartier des Hindous et prononça les noms de Mounoussami et d'Apaou. Deux coulis robustes, aux yeux luisants, aux oreilles entourées chacune de 5 ou 6 pendants, aux chevilles et aux mollets cerclés de gros anneaux d'argent, vinrent se joindre au groupe des Noirs. Les chefs de chantier étaient réunis au nombre de 7. « Et maintenant, mes gaillards, » dit de sa voix calme directeur, mais d'un ton qui n'admettait pas de réplique, « de gré ou de force, vous allez me suivre, ou plutôt marcher devant moi. »« Jarnac, » ordonna-t-il au grand Noir, « prends la tête, nous allons à la crique de Saint-Jean. » Que nul d'entre vous n'essaie de se dérober à travers bois. Vous savez que j'ai là de quoi l'arrêter à la course, quand bien même il détalerait comme le cariacou. » Les contremaîtres comprirent le geste accompagnant ces paroles en voyant sortir de la petite poche américaine pratiquée au-dessous de la ceinture du pantalon la crosse d'un revolver New Colt à canon court et de très fort calibre. Duvallon ne plaisantait jamais. Ils s'enfoncèrent lentement et en tremblant de tous leurs membres dans un sentier perdu à travers la forêt vierge. Plus ils avançaient, plus leur répugnance s'accentuait. Le blanc n'avait pas prononcé une parole, pensant, et avec raison, qu'il trouverait sur les lieux mêmes de l'exploitation le mot de l'énigme. Au bout d'un quart d'heure, on arrive à une vaste clairière d'où sort une crique large de 3 mètres, dont les eaux laiteuses charrient lentement des molécules blanchâtres d'argile détrempée. Cette clairière offre l'aspect d'un indescriptible chaos. De tous côtés, des troncs renversés, des feuillages flétris, des branches fracassées, des lianes rompues. Partout de hautes herbes récemment sabrées, portant une litière sur laquelle pourrissent les orchidées et les broméliacées géantes. Ça et là, de gros chicots courteaux et trapus, hauts d'un mètre, tailladés par la hache, calcinés par le feu, émergent du sol comme des nains décapités. Le lit de la rivière a disparu. la terre fouillée par le pic et mamelonnée d'éminences crayeuses ou ravinée de tranchées profondes, de longues planches plâtrées de boue argileuse ou souillées de terre noirâtre forment des ponts sur ces fausses taillis à pic entre lesquels serpentent de minces filets d'eau teintés d'opale. Plus loin, aussi avant que la vue peut s'étendre, apparaît un étroit canal, large d'environ 40 cm et formé de 7 ou 8 auges en bois, longues chacune de 6 mètres. Elles s'emboîtent l'une à la suite de l'autre en plan incliné et sont supportées chacune par 2 chevalets. Plus loin encore, la crique est coupée d'un bâtard d'eau dont la vanne submergée laisse couler une mince cascade qui tombe avec un bruit rauque au fond d'un trou. Ces auges de bois, semblables à des cercueils sans couvercle, forment, par leur réunion, le sluice, l'instrument servant à laver les terres aurifères. La clairière, aux arbres broyés, au sol éventré, est un placeur, un champ d'or. Rien de désolé comme ce travail humain à travers les splendeurs de la nature. C'est une lèpre rongeant un organisme, un cancer au flanc de la forêt. Les Noirs, à la vue de ce chaos qui leur œuvre et avec l'aspect duquel ils sont cependant familiarisés, éprouvent un moment d'insurmontable hésitation. Jarnac, qui marche le premier, s'arrête, les jambes flageolantes, la peau grise de cendre, les yeux dilatés par l'épouvante. Le pauvre diable est dans un état pitoyable. Ses compagnons, y compris les Hindous eux-mêmes, manifestent la même terreur. Le directeur voit bien que le refus de travail n'est pas imputable à un simple caprice. Une cause mystérieuse, terrible peut-être, a pu seule avoir raison de ces travailleurs, braves en somme, et qui jusqu'alors ont manifesté la plus entière soumission. Ce sont des ouvriers d'élite, les plus robustes et les plus honnêtes entre tous leurs compagnons. Mais le blanc qui voit le fruit de tant de peines si près d'être perdu, sa fortune et celle de ses associés à la veille d'être compromise, veut une fois pour toutes savoir à quoi s'en tenir. Il a quitté pendant 8 jours le placeur pour aller en prospection. L'exploitation était alors en pleine prospérité, le rendement excellent, il trouve à son retour un complet désarroi, il veut connaître la cause, il le faut, dut-il courir un péril mortel. Il regarde bien en face les 7 hommes l'un après l'autre, comme pour leur communiquer un peu de son énergie, puis de sa voix vibrante, il commande « En avant !» Les contremaîtres, plus épouvantés que jamais, s'avancent à petits pas après s'être groupés. Le maître semble les piquer de son regard aigu comme un cavalier qui laboure de son éperon les flancs d'un cheval épeuré. Ils arrivent après d'interminables hésitations au milieu de la clairière et semblent se rasséréner un peu en voyant que nul phénomène ne se produit. Jarnac s'enhardit, Eristal le suit et Nestor, voulant faire mieux, les devance. Il met le pied sur une planche jetée en travers d'une tranchée profonde. Il va la franchir quand un craquement sec se fait entendre tout à coup. La planche se brise en 2 morceaux et le pauvre diable roule au fond du trou profond de 2 mètres. « À moi, maître » s'écrie-t-il d'un accent déchirant. « À moi !» D'un bond, du vallon est au bord de l'orifice béant. Il déroule en un clin d'œil sa ceinture de laine en laisse pendre une extrémité à laquelle le noir se cramponne désespérément. Le créole roidit ses muscles et, sans effort apparent, tire à lui le mineur qui s'abat sur le sol en murmurant d'une voix étranglée « Maître !» « Je suis perdu. La yaye m'a mordu. » Il ne peut ajouter un seul mot. Ses mâchoires se serrent, ses yeux roulent convulsivement, une écume épaisse blanchit ses lèvres, une créature tétanique le tord d'avant en arrière, sa tête s'infléchit comme si l'occiput allait rejoindre les talons. Au bout d'une minute, c'est un cadavre. Ses compagnons, cloués au sol par la terreur, sont incapables d'un seul mouvement. Ils ne peuvent prononcer un mot. Seul Jarnac, affolé, bégaye. « C'est maman d'Ilo. Oh, c'est maman d'Ilo. » Du vallon, étonné plutôt qu'effrayé à la vue de cette mort instantanée, jette un regard de pitié sur la malheureuse victime et s'aperçoit avec colère que la planche, épaisse de 5 cm, a été presque entièrement coupée par un trait de scie. L'auteur mystérieux de ce lâche attentat l'a retournée de façon que nul ne put voir la section. La chute du noir n'est donc nullement accidentelle et seulement imputable à la malveillance. Quant au terrible Ophidien, dont la morsure a foudroyé l'infortuné, sa présence ne peut s'expliquer que par un hasard malheureux. L'Aïaï, chassant la nuit, sera tombé au fond de la fosse dont le fond est recouvert de gravier aurifère. Chose étrange, les Noirs se rassérènent peu à peu. Il semble que la mort de leurs camarades ait eu pour effet de les tranquilliser. « Pauvre Nestor, dit doucement l'un d'eux, Il a payé pour nous. Maman Dilo est apaisée. Oui, renchérit Jarnac, elle ne nous fera plus de mal. D'ailleurs, le blanc est avec nous. Maman Dilo respecte les blancs. Allons, dit un des hindous qui n'avait pas encore desserré les dents. Le canard fut laissé au bord de la tranchée, et le directeur, suivi de ses hommes, continua ses investigations. Il arriva devant un second trou, et pâlit en voyant que le madrier servant à le franchir était scié comme l'autre. Il se baissa, et ne put retenir une exclamation en entendant bruire les anneaux cornés d'un serpent à sonnette. Il y avait un second serpent dans la fosse au fond de laquelle eût infailliblement roulé quiconque n'eût pas été prévenu. Mais ce fut bien autre chose quand, après avoir visité un nain tous les trous creusés dans la terre végétale, pour arriver jusqu'à la couche aurifère, il constata que tous avaient été rendus inaccessibles aux mineurs. L'un fourmillait de scorpions, de mille pattes ou d'araignées crabes. Un autre était rempli de fourmis, d'arêtes ou de mâchoires de poissons aux dents aiguës et tranchantes. D'un troisième s'exhalait une écœurante odeur de chair putréfiée. Enfin, les noirs durent s'arrêter non loin du sluice, dont les alentours, palissadés de longues épines, dressés comme des chevaux de frise, étaient inabordables pour leurs pieds nus. Le directeur s'avança seul et constata que l'instrument avait fonctionné pendant la nuit. Des voleurs d'or avaient travaillé et réalisé à ses dépens une somme probablement considérable. La vue de quelques fragments blancs d'or amalgamés, semblables à de la limaille de plomb, confirma bientôt ses suppositions. « Pardieu ! » murmura-t-il entre ses dents. « J'ai affaire à un d'habiles coquin. Ils ont dérobé du mercure, puis, profitant de la naïveté des Noirs, ils ont semé sur leurs pas toutes les embûches imaginables, de façon à les empêcher de travailler et à nous faire abandonner le placeur. Ça serait vraiment trop facile de faire endosser tous ces maléfices à leur maman Dilo. Rira bien qui rira le dernier. Je verrai cette nuit si la peau de maman Dilo est à l'épreuve de la balle. Allons, enfants, rentrons. Il y aura double boujaron ce soir. Eristal, tu commanderas 4 hommes avec une civière pour venir chercher le corps de Nestor. Oui, maître, répondit simplement le noir. La petite troupe se mit en marche et se dirigea vers l'habitation par un sentier détourné passant près d'une autre crique, également en cours d'exploitation. Au moment où le blanc, qui marchait alors le premier, allait s'enfoncer dans le chemin à peine tracé, son pied, chaussé de lourdes bottes en cuir fauve, souleva un nuage de poussière jaune, impalpable comme celle du lycopode, et qui se répandit de tous côtés. Il fit un bond en arrière pour éviter l'absorption de ces corpuscules dont il ignorait la nature, quand un éternuement douloureux, bientôt suivi d'une interminable série, le secoua convulsivement. Les Noirs poussaient en même temps un cri d'épouvante à la vue d'un emblème bizarre accroché à hauteur d'homme au tronc d'un grand balata, à l'écorce brun clair et lisse comme un cigare. C'était une énorme mâchoire d'aymara, largement ouverte, aux longues dents aiguës et qu'une demi-douzaine d'épines de fromager maintenaient écartées. Au-dessous de ce singulier trophée s'épanouissait une large fleur, semblable à celle d'une nymphéa, mais mesurant près d'un mètre de diamètre et qu'un botaniste eût reconnu pour celle de la Victoria regia, la plante géante de l'Amérique équinoxiale. Les pétales de cette fleur colossale, d'un blanc de neige au centre, devenaient à la circonférence d'un rouge cramoisi en passant successivement par toutes les nuances du rose. Elle était également attachée par des épines et produisait un effet étrange au-dessous de la mâchoire du monstrueux requin d'eau douce. « Il n'y a plus rien à faire pour nous ici, » dirent en patois créole les mineurs. « Ce serait notre mort à tous. Maman Dilo ne veut pas. Quand Maman Dilo daigne exposer ainsi ses emblèmes, le noir n'a plus qu'à partir. Ce lieu est maudit, fuyons. » Le directeur était toujours secoué par l'éternuement. Une épistaxie violente, saignement de nez, s'était éclairée, et une éruption de petits boutons blanchâtres, analogues à des grains de millet, avait envahi sa face. Épistaxie et éruption sans danger, mais gênante et douloureuse tout à la fois. Peu lui importait d'ailleurs, puisqu'il avait atteint son but, et acquis la conviction que les inconnus, disposant de moyens bizarres et redoutables, convoitaient son champ d'or et voulaient l'en déposséder. Il rentra au placer. Quelques gouttes de perchlorure de fer dans un peu d'eau arrêtèrent l'écoulement sanguin. Un cataplasme froid de catalou et de cassabe calma les douleurs produites par l'éruption et l'empêcha de se propager. Le créole était fort perplexe. Sa situation était grave, presque désespérée. Il se trouvait seul blanc, isolé au milieu d'une population hétérogène, éloigné de plus de 200 kilomètres de tout endroit civilisé. que pouvait son énergie contre un ennemi insaisissable, alors que son personnel, complètement désorganisé, refusait le travail. Les raisonnements devaient se briser contre les grossières superstitions habilement exploitées par les voleurs. Il fallait, sous peine de voir le désarroi devenir irrémédiable, marcher de l'avant et payer d'audace. La nouvelle de la mort de l'infortuné mineur avait porté à son comble la terreur de ses compagnons. Des groupes se formaient, des orateurs péroraient, les propos les plus incohérents, les racontars les plus absurdes, circulaient et rencontraient d'autant plus de crédulité en raison de cette incohérence et de cette absurdité. Maman Nilo défraya toutes les conversations. Jamais, peut-être, depuis que Larabardière vint s'établir en 1604 dans l'île de Cayenne, la légende de cette vieille fée vindicative, acariâtre et malfaisante, connue sous le nom de Maman Dilo, la mère de l'eau, ne produisit pareille émotion. Du vallon, la face encore tuméfiée, parcourait les groupes et provoquait par quelques rasades de tafia généreusement distribuées les récits et les confidences dont il comptait faire en temps et lieu son profit. Les contremaîtres étaient fort entourés et renchérissaient encore sur les événements de la matinée. On rapprochait l'effet de bruit mystérieux entendu depuis le départ du directeur pour la prospection. « Oui, » disait un noir au très grossier, au muscle énorme. « Oui, j'ai entendu chaque soir à 10 heures les coups sonores frappés sur les arcabas du grand Panacomore situé près de la crique Saint-Jean. »« Moi aussi, j'ai entendu, » interrompit un autre, « les coups espacés 3 par 3. Pan, pan, pan !» retentissaient dans la clairière et produisaient un bruit presque aussi fort qu'un coup de pistolet. « moi aussi, » reprirent d'une voix basse et craintive plusieurs mineurs. « Cela dure près d'une heure. » Puis à minuit, on entend un grand cri, puis c'est fini. Avez-vous remarqué que pendant ce temps, les crapauds bœufs et les singes rouges se taisent? C'est vrai. Et nul parmi vous n'a osé aller voir la cause de ce tapage? Demanda le directeur. Oh, mouché! Répondit presque en tremblant le dernier interlocuteur. M'ont pas osé, non? Pourtant, ajouta-t-il, non sans orgueil, moi aussi créole Cayenne. Et toi, Janvier? Reprit du vallon, en s'adressant au grand nègre qui avait parlé le premier. « Tu es cependant aussi fort qu'un maille pourri. Aurais-tu peur ?»« Oh oui, mouché !» répondit-il avec conviction. « Peur trop beaucoup !»« Ça, pas étonnant !» dit le créole de Cayenne. « Il n'est que pays nègre !»« Ce n'est pas étonnant, il est nègre du pays des nègres !» Un noir de taille moyenne, trapu et solide comme un bloc d'ébène, à la figure intelligente et résolue, s'avança, appuyé sur un bâton. « Et moi ?» dit-il d'une voix sourde. « J'ai voulu voir !» « Toi, Oyapan ?» demanda le blanc. « Oui, maître. J'ai pris mon fusil, je suis allé près de l'arbre. » Le bruit continua. Je m'approchai le toucher, et les coups retentirent de plus belle. Puis une forme sombre apparut près du bâtard. La lune l'éclaira. Cela ressemblait à un être humain d'une taille énorme. La terreur me paralysa. Je voulus lever mon fusil, il me sembla qu'il pesait 500 livres. Je restai ainsi près d'une demi-heure. Les coups cessèrent. Un grand cri retentit. J'entendis la chute d'un corps dans l'eau et je ne vis plus rien. Je rentrai à ma case en me traînant et depuis ce jour, il m'est impossible de marcher, mes pieds gonflent, la plante s'en bat par morceaux. Maman Dilo m'a piaillé. Tu toucheras demain 100 francs de gratification. Merci, maître. Cela ne m'empêchera pas d'être mort avant 8 jours. Les noirs, épouvantés, s'écartèrent du nouveau venu comme d'un pestiféré et le directeur, plus perplexe que jamais, rentra dans sa case en disant « Eh bien, je serai ce soir au pied du Panacoco, et alors gare à notre mystificateur. » Une demi-heure avant le coucher du soleil, du vallon s'asseyait entre les arcabas de l'arbre légendaire, dont la grosseur et la hauteur étaient à ce point considérables qu'on n'avait pu l'abattre. Il mesurait à la base près de 4 mètres de diamètre. Il était mort depuis longtemps, et sa cime dépouillée, se découpait en noir sur l'azur pâli du ciel. Mais une folle végétation supplémentaire avait envahi le tronc et les branches moyennes, qui disparaissaient sous une incroyable profusion de lianes enchevêtrées à tout un parterre aérien d'aroïdées, d'orchidées, de broméliacées. Le créole s'adossa à un arcaba, piqua son sabre en terre près de son revolver, arma son fusil, alluma un cigare et attendit patiemment les événements. Il a souvent été question, au cours de ce récit, des arcabas des arbres guyanais. Il est temps de donner la signification de cette locution spéciale, croyons-nous, aux végétaux de l'Amérique intertropicale. les arbres géants de la forêt vierge ne s'implantent pas dans le vieux limon primitif comme ceux de nos pays. Leurs troncs ne pourraient s'élever à une pareille hauteur et supporter le poids de leurs cimes et des végétaux supplémentaires si la nature prévoyante n'avait pris soin d'élargir leur base. Les racines, au lieu de s'enfoncer brusquement dans le sol, serpentent au loin et viennent s'accoler au tronc avec lequel elles font corps en produisant des saillies analogues aux contreforts des cathédrales. Ces contreforts végétaux se nomment les arcabas. Il en est qui s'écartent au ras de la terre de 2 ou 3 mètres du tronc et remontent jusqu'à 5 ou 6 mètres de façon à se confondre avec lui en formant comme l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Leur épaisseur moyenne ne dépasse pas 10 centimètres. C'est véritablement un spectacle susceptible d'étonner le voyageur, que la vue de ces sortes de planches lisses, bien planes, sans aspérité, est couverte de la même écorce que le sujet tout entier. Chaque arbre porte 3, 4 ou 5 arcabas qui s'irradient autour de lui et forment entre eux de véritables casiers triangulaires, analogues à ceux des causeuses de nos salons sur lesquels s'assolent plusieurs personnes en se tournant le dos. La sonorité de ces organes adventifs est incroyable. Un coup frappé sur un arcaba avec une moyenne intensité retentit au loin comme un tonnerre. Très fréquemment, les hommes égarés mettent à profit cette propriété pour annoncer leur présence à leurs compagnons. Tels, les mineurs, enfouis dans les houillères, battent à coups de pic sur les parois des galeries le rappel des mineurs. 4 heures s'étaient écoulées déjà, depuis que le directeur du placeur s'était installé au pied du géant isolé au centre de la clairière. La nuit était calme, et nul bruit étranger au murmure de la forêt n'en avait jusqu'alors troublé le silence. La lune déclinait rapidement. Son croissant allait disparaître derrière des cimes pour faire place aux ténèbres quand un coup rudement frappé sur l'un des arcabas de l'arbre lui-même fit tressaillir le veilleur. Il saisit son fusil et bondit du côté opposé d'où était parti le bruit qui se répercutait avec fracas. Il ne vit rien. Il n'était pas encore revenu de l'étonnement où le plongeait l'inattendu de ce phénomène qu'un second coup résonnait du côté qu'il venait de quitter. « Sacrebleu ! » murmura-t-il. « Suis-je le jouet d'une hallucination ? Est-ce que je rêve tout éveillé ? Serais-je moi aussi hanté par le cauchemar de Maman Dilo ?» Son monologue était à peine achevé que la substance de l'arcaba détonnait pour la 3e fois. « Je ne suis pas créole cayenne, encore moins nègre pays nègre, » ajouta-t-il furieux. « Ce n'est pas à moi qu'on en fait longtemps à croire. Quand je devrais rester ici jusqu'au jour, je vais avoir le cœur net de tout cela. Je ne crois pas aux esprits frappeurs, moi. » La clairière était redevenue silencieuse. Du vallon, le fusil prêt à faire feu, fit plusieurs fois le tour de l'arbre en scrutant d'un regard avide l'épaisse broussaille en baissant le tronc et les branches. Malheureusement, l'obscurité devenait de plus en plus épaisse. Il ne put rien découvrir. 1/4 d'heure s'écoula. Le bruit recommença, éveillant au loin les échos de la solitude immense. C'est en vain que le blanc se mit à courir autour de l'arbre comme un cheval de manège lancé au galop. Les 3 coups également espacés se firent entendre. Quelque diligence qu'il put faire, ils furent toujours frappés avec une précision diabolique du côté opposé à celui qui l'occupait. Au moment où les vibrations du 3e coup s'éteignaient, ils entendirent à 20 mètres à peine, dans la direction du bâtardeau, un souffle puissant suivi d'un gémissement plaintif. « Qui vive ? » cria-t-il d'une voix éclatante. Il n'obtint pas de réponse, mais il perçut distinctement un clapotis assez fort produit par la brusque immersion d'un corps. 2 lueurs immobiles percèrent les ténèbres. Il épaula rapidement son fusil et fit feu. Un cri épouvantable, terminé par un sanglot déchirant, suivit la détonation. La lueur produite par la déflagration de la poudre éclaira la clairière comme en plein jour. Il lui sembla entrevoir une masse sombre glisser sans bruit avec une vitesse inouïe au-dessus de sa tête le long d'une liane tendue ainsi que l'était d'un mât. Il n'eut pas le temps de faire un mouvement et tomba sur le sol sans dire un mot, sans proférer une plainte. Le lendemain, à la 1e heure, le commis, inquiet de l'absence prolongée du directeur qui n'était pas rentré à l'habitation, se mit à sa recherche, accompagné des contremaîtres. Ils trouvèrent M. Duvallon étendu sans connaissance au pied du panacoco, la poitrine trouée d'une profonde blessure. Il respirait encore, mais bien faiblement. Son état semblait désespéré. Au-dessus de son corps, une tête d'aïmara, aux mâchoires béantes, grimaçait, accroché au tronc de l'arbre et surmontait une fleur fraîchement coupée de Victoria Regia. Enfin, le batardo, situé comme l'on sait à 20 mètres de l'arbre Zarkaba, était souillé de larges plaques de sang. L'eau qui s'en échappait et coulait en un mince filet entre les morceaux de gravier aurifère précédemment lavés était teintée de rouge. On ne voyait sur la terre molle d'autres traces que celles des souliers ferrés du créole blanc.